patience, viens donc saisir ta chance. Pour les Texiens d'engager, chante donc l'amour, l'amitié. Je suis ton agent artistique. Mon but unique est de faire du fric de ta musique. Et croyais-tu au conte de fées que le talent seul suffirait? Je suis désolé, mais t'es loin de la réalité. Et tu peux me faire confiance. Tu vois le showbiz, c'est ma science. Le profit. Tu peux me faire confiance. Tu sais, le showbiz, c'est ma science. Viens donc t'en.